Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics, oui. Une émission un peu préparée au dernier moment, puisque nous sommes le jeudi, je sais plus combien, 27 je crois, ou 28. La radio est fermée le mardi, donc il n'y aura pas de direct. Et on va passer directement... Ah non, non! On passe directement aux news ou On se présente déjà parce qu'aujourd'hui il n'y a pas tout le monde. Aujourd'hui j'ai pas tout le monde. Je suis désolé, je suis un peu dans le stress de c'est pas grave, on t'en veut pas, James. C'est pas grave, y a rien à. Donc vous les avez entendus, je suis avec les petits jeunes qui étaient là la semaine dernière. La semaine dernière en effet. Bah les filles en premier, allez. Waouh, bah, Ruby est présente. Avec son compagnon. Son acolyte de Le Geek Chic. Le Geek Chic sur la chaîne YouTube Le Geek Chic, voilà, on fait des vidéos de comics. Thomas en fait, il s'appelle. Ouais. Merci à vous d'être là. Ah bah de rien. C'est cool. Et allez sur leur chaîne parce qu'elle est cool. Et on va partir sur les news. Tu as fait vraiment un très bon choix. Ce générique est génial. Je vais le dire à chaque fois. Ça va être il est génial ce. Et je vais commencer avec les news. Donc une petite news un peu. Pour être sincère avec vous, j'ai fait un peu les fonds de tiroir pour les news parce que comme on a fait l'émission il y a deux jours, il n'y avait pas grand chose. Donc on fait avec ce qu'on a. Et on commence avec Batman qui aime beaucoup le Punisher. Puisqu'en ce moment, le Batfleck, donc Ben Affleck, est en promo pour le film Mr. Wolf où il joue avec Anna Kendrick, J.K. Simpson et J.K. Simmons. Excusez-moi, et le Punisher de Netflix, John Bertal. Et pour le coup, il a dit que John était parfait dans le rôle du Punisher, qu'il était c'était un très grand fan et qu'il le trouvait très bon. Donc c'est cool de la part de l'ancien Daredevil. Il a pas tort. Oui, il a pas tort. Moi, j'aime beaucoup le Punisher dans la saison 2 de Daredevil. C'était John Bertal. Mais par contre, c'est compliqué. John Bertal. J'ai trop l'habitude de l'avoir vu dans Walking Dead et du coup, quand je vois le Punisher, j'ai du mal à le détacher de son image dans The Walking Dead, mais à part ça, il est très bon. Dans Walking Dead, il se gratte tout le temps la tête, et dans le Punisher, il le fait pas. Voilà, si tu veux le différencier, c'est comme ça. Grande différence. Non, mais en tout cas, c'est un très bon acteur, je trouve. Et bien, c'est cool de la part de Ben Affleck de pas être. De pas viser. Je pense qu'en même temps, il est pas très fier de son rôle dans Daredevil. Donc, ouais, il est plutôt content que ça change un tout petit peu. C'est ça. Et bah, c'est cool de sa part, et on va passer à une autre news. Et c'est Ruby qui va nous parler de la PCE. Waouh ! Eh bien donc, comme on le disait dans la dernière émission, c'était juste des rumeurs, mais là, ça a été confirmé. La PCE, eh ben, il n'y en aura pas en 2017. Voilà. On va les retrouver en 2018, mais le truc c'est qu'elle a été annulée parce qu'ils refusaient de faire du commercial en fait. Ils ont refusé d'accepter des stands qui n'avaient pas de rapport, donc ça c'est plutôt cool. Bien. Mais du coup ils attendent 2018 afin de faire quelque chose de plus grand, de meilleur et bien centré sur les comics. Et ils ont même dit qu'ils seraient ouverts à d'autres propositions de stands, etc., mais à condition qu'ils le fassent bien et que ce ne soit pas des stands complètement commerciaux. En fait, ils ont dit qu'ils voulaient prendre un an pour pouvoir refaire. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, la PCE, c'est la Paris Comics Expo. Donc c'était une convention, je crois qu'il y a eu deux éditions ou trois éditions, je ne sais pas. Il y en a eu encore plus, je crois, il y en a eu quatre ou quoi. Hein. T'es sûr? Oui. En tout cas, j'ai eu la chance de faire de celle de l'année dernière et je pense que c'était la meilleure convention que j'ai faite enfin, question comics, hein, fais des parenthèses avec mes doigts. question comics, c'était la meilleure convention que j'ai faite. C'était vraiment un côté familial, un côté cool avec des stands géniaux et que des passionnés. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, on est un peu triste. Ouais. Bah, enfin, moi, pour après, cette petite mort. Moi, j'ai eu la chance. On est content de la renaissance, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de participer à toutes les Paris Comics Expo. Je les ai toutes faites depuis cool, le départ. Et à la base, c'était tout petit. Ça a grandi au fur et à mesure. Et la dernière était vraiment excellente. Ouais, elle était géniale. Grave aimé. Et plein de youtubeurs. On pouvait parler avec les artistes. Tout ça, il y avait plein d'artistes, c'était génial. Il y avait des grands noms d'artistes. Ouais, il y avait des grands noms d'artistes. Contrairement à la Comic-Con dont tu nous as parlé la semaine dernière. Oui, voilà. C'était vraiment une ambiance bon enfant, c'était vraiment cool. Donc si c'est pour revenir avec des grands noms et avec des trucs cool, franchement, ils vont bien nous étonner. Hein. Si ça a été aussi bien en 2016 et qu'ils l'annulent en 2017, je pense qu'en 2018, ça va être un truc assez fou. J'espère que ça sera dans le même parc que la dernière fois, parce que le parc était tellement beau la dernière fois. Non, mais c'était un peu loin. C'était loin, mais c'était tellement beau. Oui, le cadre était idyllique, quoi, vraiment. C'est vrai que c'était. On va passer à une autre news. Et c'est Teresa Palmer donc, qui nous parle de. Excusez-moi, je suis perdu dans ce que je veux dire. Donc, l'actrice Teresa Palmer, qui devait jouer Talia al Ghul dans le remake, enfin, non, dans le film de George Miller, le papa de Mad Max, Justice League, qui malheureusement ne verra jamais le jour, mais qui nous donnait plutôt envie au vu de son casting et au vu des designs qui étaient sortis. Donc qui a dit en interview qu'elle aimerait bien rempiler dans le rôle de Talia al Ghul pour un potentiel Batman ou un potentiel Justice League. L'actrice que vous avez peut-être vue dans Le Noir, un film d'horreur assez sympathique. Je sais pas, je regarde plus les films d'horreur, c'est mais un celui-là était plutôt sympathique. J'ai vu des bonnes critiques. Oui, il est sorti il y a pas trop longtemps. Et elle était aussi dans le remake de Point Break. Donc elle a dit en interview qu'elle aimerait bien redevenir Talia al Ghul, mais malheureusement pour elle, selon les dernières rumeurs qui traînent chez Warner, toute la famille al Ghul ne serait peut-être pas utilisée par la Warner pour pas trop prêter à confusion avec la trilogie de Nolan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien les al Ghul? Moi j'aime beaucoup le Damien al Ghul ou Damien Wayne plutôt. Ouais, Damien Wayne il est cool, mais après le dernier traitement des al Ghul dans la série de Christopher Nolan, je crois que c'était le... Ouais, c'était pas génial. C'était pas ouf. Bon, après j'ai rien à reprocher chez Christopher Nolan, mais Talia al Ghul quand même dans The Dark Knight Rises, c'est pas ouf. C'est vrai que c'est moi, c'est le truc qui me titille un peu dans Dark Knight Rises, qui était vraiment génial. C'est le seul truc qui me dérange dans... Voilà, on t'aime pas Marion Cotillard. Ouais, voilà. Nous envoyons un message à Marion Cotillard. Rémi, est-ce que tu es triste d'entendre qu'on n'aura pas les al Ghul dans les prochains? Alors, je suis pas spécialement triste parce que c'est pas exactement mes fandoms non plus. Je suis pas énormément ça, donc... Voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense que c'est aussi grâce pas mal à Nolan que les al Ghul ils sont mis beaucoup en avant. Ah ouais, tu trouves? Ouais, non, j'étais mieux. Enfin, moi en tout cas, quand j'étais petit, je les connaissais pas avant quoi. D'accord. Ok. Et ben, on va passer à une autre news que je vais faire aussi, même si je pense que c'est un truc qui touchera peut-être. Peut-être Ruby, puisque la série Mockingbird s'est arrêtée la semaine dernière. Déjà. Mais vous allez me dire, ah mais on s'en fout, une série qui s'arrête, c'est Joseph, ça nous arrive tous les jours. Mais c'est la raison pour laquelle la série s'arrête qui est un peu qui un peu va vous faire arracher les cheveux. C'est Chelsea Kane qui a subi un véritable harcèlement sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a commencé la série, puisque la série a des petits propos un peu féministes et ça apparemment ça fait chier les gens. C'est parce qu'on que c'est des propos féministes direct. Ça fait chier les fanboys. Ah bah donc elle est tellement ils arrêtaient pas d'hurler. Marvel a dû arrêter la série. Et en plus, même après l'arrêt de la série, elle a dû quitter Twitter tellement elle s'en prenait plein la tronche par les fanboys. Alors moi je trouve ça vraiment débile de la part de Marvel d'avoir arrêté la série parce que les gens... Mais je crois que c'est Chelsea Kane qui a dit qu'elle en avait marre et qu'elle préfère arrêter. C'est dommage, elle aurait dû se battre jusqu'au bout. Enfin, elle aurait dû juste supprimer son compte Twitter mais juste continuer la série juste pour dire aux gens... Ouais, elle aurait dû continuer. En fait, on s'en fout, enfin genre on s'en fout complètement. En plus, Mockingbird quoi. Je veux dire, enfin voilà quoi, Bobby Morse... Non, moi rien pour ça, je pense que si ça sort en VF, j'achèterai le tome pour pouvoir soutenir la petite Chelsea Kane, dont on a vraiment hâte de vous revoir le travail en comics. Et il y a pas mal d'auteurs, notamment Alex Alonso, l'éditeur in chief de chez Marvel, et Jason Latour et Paul Renaud qui ont râlé sur Twitter en disant que les fanboys faut arrêter quoi. Je trouve ça dommage que Marvel censure autant comme la dernière fois avec la couverture de J. Scott Campbell. Enfin, ok, il faut être à l'écoute des fans, mais pas à l'écoute des rageux, en fait. c'est vraiment, vraiment une parole Ça pourrait faire une réplique de film. Oui, voilà, exactement. Et on va passer à une autre news. Et c'est une news qui peut-être va concerner le petit Thomas. Est-ce que Panini qui passe enfin au numérique, ça te hype un peu? Non. Non. Okay. Non, je rigole. Non, c'est cool, mais enfin, moi je préfère. Enfin, comme l'a dit Stan Lee, on va faire une autre réplique. Les comics, c'est comme les seins, c'est mieux de les avoir entre les mains. Et du coup, voilà. Moi, j'aime pas trop lire en scan. Je préfère voir le dessin en vrai sur papier. Mais après, c'est quand même une bonne chose, le numérique, après tout, pour ceux qui. Ça coûte moins donc cher. Pour les déjà. Gens qui n'auraient pas compris, l'éditeur italien qui publie Marvel en VF en France, aussi en Allemagne et aussi et en Italie, a décidé de s'associer avec Marvel Entertainment pour numériser une bonne partie des titres de la Maison des Idées, donc de Marvel, et de sortir un catalogue complètement numérique, et ça c'est cool, et notamment avec des titres comme Civil War, Miss Marvel, Avenger ou encore du Deadpool, et des séries qui viendront au fur et à mesure combler le catalogue. Et c'est assez sympa de voir que Marvel se met, enfin que Panini pour le coup, parce que Marvel, ça fait un moment qu'ils y sont, se mettent un peu au numérique pour les gens qui voudraient pas acheter le format papier. Quoi. Moi, je trouve que s'il faut le mettre en numérique, il faudrait qu'on trouve un... Enfin, je sais pas, le mettre un peu en animation ou trouver des trucs pour ajouter quelque chose, tu vois. Parce que juste le lire en numérique, je trouve pas ça très intéressant. Faudrait rajouter, je sais pas, un petit truc en plus pour... Une petite dernière chose, ouais. On va passer à une dernière news. Et on va vous parler d'une série qui va débarquer dans pas trop longtemps. C'est Légion, dont on avait eu un trailer à la Comic-Con. Donc c'est Légion, la série télé tirée de l'univers des mutants de la Fox. Je vais essayer de vous pitcher vite fait la série. Donc c'est une série qui suivra le fils de Charles Xavier, David Haller, qui lutte contre ses problèmes de schizophrène dans un hôpital psychiatrique, car il croit entendre des voix, mais au fur et à mesure il va comprendre qu'en fait c'est peut-être pas forcément des voix qu'il entend. Moi, ce trailer m'avait beaucoup donné envie, parce qu'il y avait un côté très très psyché et psychédélique, avec des trucs qui allaient de partout et tout, le côté un peu malade mental, c'était sympathique. Bah moi j'ai pas vu le trailer, mais je me rappelle qu'on avait parlé dans une émission de podcast il y a très longtemps, et on se demandait justement si c'était le fils de Xavier finalement. Si, c'est le fils de Xavier, oui. D'accord. Mais est-ce que c'est un rapport du coup avec les films? Je sais pas, ça je pourrais pas te dire. C'est comme un peu ce qu'a fait le MCU, développer des séries qui sont en rapport avec... ça serait cool qu'ils fassent ça aussi, je pense. Ouais. Bon, enfin, pas, après, c'est déjà tellement bordélique l'univers des X-Men chez la Fox que... Et la news, en fait, c'était que, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'elle avait enfin une date de diffusion, et c'était en février 2017. Peut-être un vendredi, je ne sais pas. Et en plus de retrouver Dan Stevens, on va retrouver aussi Aubrey Plaza. Aubrey Plaza est trop forte. Mon Dieu, mais oui, mais j'attends tellement. Donc Aubrey Plaza, pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Parks and Recreation. Voilà, la meilleure série télé de tous les temps. De tout l'univers. Et il y aura aussi Jermaine Clement. Donc Jermaine Clement, c'est quelqu'un que, si vous ne connaissez pas, il faut que vous couriez aller voir Flight of the Conchords, qui est une petite série qui date un peu maintenant, mais qui est passée sur HBO. C'était une espèce de comédie musicale avec ce groupe qui s'appelle Flight of the Conchords, dont Jermaine Clement fait partie, et qui est vraiment très très cool. Donc est-ce que vous êtes hypé par Légion? Aubrey Plaza. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi pas, j'attends de voir un peu plus. Non, franchement, j'attends cool, de regarder le teaser que j'ai pas regardé déjà. D'accord. Pour te donner un vrai avis. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? J'ai rien à rajouter, je pense que ça va juste être bien cool. Ok, moi aussi, ça me tente bien. Ouais, moi aussi. Et ben on va passer à la première pause musicale de l'émission. Et comme on est dans une émission spéciale Halloween, j'ai choisi une musique très très Halloween. Et lancer la musique, je vous dirai après c'est quoi. See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on your diaphragm. It's our town. Everybody's free. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash of Donovan Trace. I am the who in the cold who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Everywhere, life's no fun without a good scare. that's our job. But we're not mean in our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat, you make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? The Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. La la la la la, Halloween, Halloween. La la la la la, Halloween, Halloween. La la la la la, Halloween, Halloween. La la la la la, Halloween, Halloween. La la la la la, Halloween. Et bien vous l'aurez compris, c'est Vicious Halloween de tiré de Nightmare Before Christmas. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack pour la VF. Et d'ailleurs sachez qu'il, je sais plus quand, mais il repasse bientôt au Gaumont Multiplex. Donc si vous voulez, si vous l'avez jamais vu, par contre en VF. Ça craint un peu. Ouais, ça craint un tout petit peu. Un petit peu. Et on va passer à la review. Donc on avait dit des titres comme hier, c'était Halloween. Enfin hier. Ouais. Hier du futur. Ouais, c'est ça. C'est Halloween. C'était Halloween. On va parler de titres qui font peur. Ouh. Et moi je vais commencer à vous parler de Lock and Key. Donc Lock and Key, c'est un titre qui est scénarisé par Joe Hill. Joe Hill que vous connaissez peut-être car c'est le fils de quelqu'un de très très très connu. Si je te dis le plus gros vendeur de bouquins. C'est Stephen King. Voilà. Tu savais qui c'était Joey. Oui, je savais. Okay. Je voulais pas faire de suspense, tu vois. Je suis ce genre de mec qui casse le suspense. On a pas dit qu'il fallait qu'on gagne un peu de temps. Non, c'est pas grave. Casseur d'ambiance. Ouais. Donc, le fils de Stephen King qui a déjà écrit pas mal de romans, mais qui a aussi écrit du comics et notamment The Cape, qui à ce qui paraît est un peu moins bien. Ça a l'air sympa. C'est un peu moins bien que Lock and Key, apparemment. Enfin, j'aime bien la couverture, juste. La couverture est classe. Mais... Ok, d'accord. La couverture, ils pourront mettre ça sur le. Sur la couverture justement, la couverture est classe. Thomas le geek chic. Thomas le geek chic. Merci Thomas. Donc c'est dessiné aussi par Gabriel Rodriguez, donc qui a eu un Eisner Award pour ce titre et qui a déjà dessiné des trucs pour Clive Barker et George Romero, donc des gens pas trop connus dans le niveau de l'horreur. Ah non, je vois pas qui c'est. Tu ne sais pas qui c'est Clive Barker. Donc pour les gens qui ne sauraient pas qui c'est, Clive Barker c'est un écrivain d'horreur qui a notamment écrit le bouquin dont est tiré Hellraiser. Hellraiser quand même, voilà, c'est pas grand chose. Et George Romero, c'est un peu l'inventeur des du zombie moderne, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Au cinéma. Lock and Key, c'est un titre qui est fini, ça c'est cool, ce que vous retrouverez en 6 numéros en hardcover, et on suit les aventures de la famille Lock, qui suite au meurtre assez effroyable et au viol de la mère aussi, mais attention, c'est vraiment pas à mettre un ça a l'air joyeux c'est ça. C'est pas un bouquin à mettre entre toutes les mains. Donc ils vont s'installer dans la maison familiale Key House, qui est à la ville qui s'appelle Lovecraft. Oh, nous ne sommes pas dans un truc d'horreur. Non. Lovecraft dans le Massachusetts. Voilà, merci beaucoup. Donc en fait, on suit les aventures des enfants surtout. Donc Tyler, c'est un ado qui est ultra culpabilisé parce que il a un peu l'impression que c'est de sa faute si son père est mort. Et vous comprendrez dans le livre que oui, c'est un peu de sa faute quand même. Je ne spoil pas. Donc il y a sa sœur qui s'appelle Casey qui essaie un peu de sortir de son qui décide de prendre cet événement et de dire ouais, je vais sortir de ma carapace, plus être timide et essayer d'aller vers les gens. Et le petit frère Bob ou Dob, je sais pas comment on prononce ce nom, donc qui est le Benjamin, qui a une dizaine d'années et qui est un peu trop curieux. Et en fait ils vont découvrir cette maison et ils vont vite découvrir plein de clés un peu mystérieuse dans la maison, et en fait ils vont comprendre que si on utilise la bonne clé sur la bonne porte, ça vous donne des pouvoirs, et il y a plein de pouvoirs super cool comme par exemple sortir de son corps pour devenir un fantôme et traverser les murs, ce genre de choses. Vous pouvez devenir super grand, à un moment il y a un truc qui te fait remonter le temps, tu peux avoir une armure avec des ailes et tout, enfin il y a plein de pouvoirs vraiment fous. C'est un des côtés cool du titre, c'est qu'au fur et à mesure à chaque fois on découvre des nouveaux pouvoirs. Et l'utilisation de ces pouvoirs est vraiment on est vraiment dans l'horreur, dans le fantastique, et un truc qui va paraître tout con, par exemple, s'ouvrir la tête, il va l'utiliser d'une façon un peu horrifique et qui va te mettre un peu mal à l'aise. Il y a vraiment ce côté-là dans le livre où plus tu vas avancer dans le bouquin, plus tu vas être mal à l'aise, plus tu vas t'attacher au personnage et tu vas être mal à l'aise pour les trucs qui leur arrivent. Et c'est vraiment un bouquin très très cool. Et un autre truc qui est très très très très très cool dans ce bouquin, c'est la méchante, puisqu'en fait le petit frère va libérer une espèce d'esprit maléfique qui vient du passé de son frère. Et en fait cet esprit va tout faire pour récupérer une certaine clé qui est censée ouvrir toutes les portes pour pouvoir ouvrir une porte noire. Et vous saurez à la fin du bouquin qu'est-ce que la porte noire et pourquoi il voulait ouvrir la porte noire. Et en fait, c'est le méchant est très très cool. Et en fait, c'est un méchant qui est très très cruel et qui n'a aucun remords. Il va pouvoir violer quelqu'un. Enfin, ça va montrer. Allez, vraiment... c'est parti, un petit spoil. Il y a quelqu'un qui s'est violé. Parfait. Donc moi, c'est vraiment un bouquin que j'ai dévoré d'un coup, que j'ai vraiment adoré. J'ai acheté les 6 tomes d'un coup et j'ai vraiment vraiment kiffé ce tome. Malgré, je préfère prévenir, la fin est un peu... Enfin, il fait monter la sauce et le final c'est un peu... Mais... le fameux mais du fossoyeur de film, c'est ça. C'est ce mais là, oui, exactement. Vous dites, ah, tout ça pour ça, d'accord. Bon. Et au niveau des dessins, c'est les dessins sont assez spéciaux. Il faut vraiment... les visages sont... je voulais prendre le livre et j'ai oublié de le prendre pour vous le montrer. Donc en même temps, c'est pas très radiophonique. Les dessins sont... Oui, c'est pas très radiophonique, effectivement. Donc, les dessins sont assez spéciaux. Tout ce qui est les décors sont super beaux. C'est très, très comics. Hein. C'est très, très... Avec un très, très, très, très comics. Mais les visages ont un visage un peu particulier. Il faut s'habituer au truc. Une fois que tu t'es habitué au truc, tu kiffes. Mais moi, j'ai mis un moment avant de rentrer dans le titre juste à cause de ces visages qui sont un peu... spéciaux. Mais est-ce que après à la lecture, les dessins amènent quelque chose du genre un côté un peu horrifique? C'est super gore. Enfin, il y a le côté malsain qui revient avec les bouquins, avec les dessins. C'est vraiment ça. Voilà. Est-ce que je vous ai donné envie de lire? Ça donne envie, franchement, ouais. J'en avais déjà entendu parler du titre. Je m'étais pas plus intéressé que ça, mais franchement, ça a l'air sympa. Moi, pour la petite anecdote, tu sais qui c'est qui m'a conseillé ce livre et qui m'a dit putain, achète-le. C'est Maxime ? Non, ce n'est pas Maxime, c'est Pierrick Collinet qui m'a dit que c'était son comics préféré. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas qui est Pierrick Collinet, c'est l'auteur de The Infinite Loop. Donc, Elsa Chartier. Et Elsa Chartier aussi m'a dit que c'était un de ses comics préférés. Et c'est un des comics qui lui a donné envie de lire et de dessiner du comics. Donc, ce qui est drôle quand même, c'est de voir que les auteurs, le fils de Stephen King et Stephen King ont travaillé dans les comics. Ouais, parce que Stephen King a aussi travaillé sur American Vampire. Et c'est drôle de voir ça quand même. Bah en même temps c'est l'Amérique. Ouais, c'est les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Et petite anecdote encore. Sachez qu'en 2011, il y avait eu un pilote qui a été tourné pour faire une série télé. Ah, ça aurait été intéressant de ça. Mais là, malheureusement, là, encore une fois, c'est la Fox. Tu peux pleurer avec moi, Ruby, sur la Fox et ses conneries et ses trahisons, ce genre de choses, qui annulent des séries gratuitement et qui en écourtent. Et qui ont fait les 4 fantastiques, surtout. Et qui ont fait les 4 fantastiques. Ouais, non, mais. Mais moi, j'aime bien les 4 fantastiques. Enfin, bon, c'est pas grave. Bon, bah, allez, salut. Dans le 2, le Silver Surfer, il est classe. Enfin, bon, ah oui, mais moi, je te parle du dernier. Moi, je parlais du dernier aussi. Ah oui, non, moi, je parlais des deux premiers. Oui, non, non. Oh, les deux premiers, on va dire que c'est... C'est regardable, c'est marrant. Ah, j'aime trop, moi, j'aime trop. J'aimais bien quand j'étais petit, quoi. Puis il y a Jessica Alba. Ouais, voilà, Jessica Alba. Qui est un peu blanchie. Je ne sais pas pourquoi. Jessica Alba, voilà. C'est marrant, normalement, elle est latino, mais là, elle est blanche. Donc, c'était une série avec Miranda Otto et Nick Stahl. Donc, Nick Stahl, que vous connaissez peut-être, puisqu'il était dans Terminator 3. Il est aussi dans une série qui est très, très cool, qui est La Caravane de l'Étrange. Et dans la vraie vie, c'est un mec complètement fêlé. Je crois que c'est la personne. C'est à mettre en queue, entre guillemets, parce que c'est des trucs que Faye m'a dit. Donc, ça se trouve, je répète pas du tout comme il faut. Mais je crois qu'il a disparu pendant 2 mois. Il n'y a plus personne qui savait où il était. Et en fait, il était juste allé se droguer quelque part. Un bon mode de vie. Oui, voilà, oui, un mec un peu bizarre. Et en fait, la chaîne n'a pas retenu le pilote et ils ont essayé de la vendre à d'autres chaînes qui n'ont pas voulu non plus. Et au final, ça a été diffusé au San Diego Comic-Con. Et au San Diego Comic-Con, tout le monde a dit que c'était génial. Il se dit, mais pourquoi ils l'ont pas pris? Parce que c'est la Fox. Parce que la Fox a de mauvaises idées. Ouais, et je crois qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer d'en faire un film. Une trilogie de films. Je trouve que quand même, ça s'apprêterait bien à une bonne série d'horreur. Ouais, une bonne série d'horreur. Il n'y en a pas beaucoup. Une trilogie de films, ça serait peut-être un peu trop pour l'histoire, mais. Il y a 6 tomes, c'est super dense. Hein. Ah ouais. C'est vraiment très dense. En plus, il y a des retours dans le temps et tout. Mais donc, après, les adaptations de Stephen King. Oui, enfin, c'est au cinéma, ouais, non, c'est un peu fort. Peut-être qu'ils vont garder le. Ils ont le. Après, la même malédiction. C'est son fils. Mais espérons que c'est pas une question d'héritage. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment Lock and Key très très fort. Et ben, on va passer à Ruby qui veut nous parler de. Waouh, 30 jours de nuit. Ouais. Voilà, voilà. Donc 30 jours de nuit, c'est un comics à la base, donc vous le connaissez peut-être déjà. C'est étonnant, on n'est pas dans une émission de comics. Ben non. Alors en fait, je voulais pas du tout. C'était une BD franco-belge. Alors non. Vous le connaissez sûrement du film éponyme, donc 30 jours de nuit. C'est pas produit par Sam Raimi. Si, c'est produit par Sam Raimi. Voilà, non, mais c'était un super film, je recommande. Enfin bref, là je vais parler du comics. Donc 30 jours de nuit qui a été écrit par Steve Niles. Alors c'est un mec qui est connu pour 30 jours de nuit. Il a travaillé. Et c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà très très bien. Hein. Mais il a un peu travaillé chez DC, mais il a pas fait un travail très connu en tout cas. Et qui est dessiné par Ben Temple Smith, qui est donc aussi très connu pour 30 jours de nuit, mais qui a aussi bossé sur Gotham by Midnight et qui a aussi travaillé sur Silent Hill. Il a pas fait un truc qui s'appelle. Merde, putain. Avec des loups-garous et tout. Je crois qu'il est connu pour un truc. Bah, je vais te dire de la merde. Mais je crois qu'il a une série à lui chez Image qui est vachement connue. D'accord. Bon, après, moi j'ai lu 30 jours de nuit. Et, je vais chercher en attendant. Et j'avais commencé Silent Hill, c'est tout de lui. Voilà. Donc, dans 30 jours de nuit, l'histoire est un peu. C'est une histoire assez simple en fait. Ça se passe dans une petite ville en Alaska qui s'appelle Barrow. Et en fait, en Alaska, une fois par an, il y a, bah, donc, comme le titre le dit, 30 jours de nuit. C'est-à-dire que le soleil se couche et pendant un mois, eh ben, il ne se lève pas. Et dans cette petite ville qui est tout à fait normale, tout à fait typique des États-Unis, il se passe rien de grand-chose. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a une horde de vampires complètement déchaînée qui, pendant ces 30 jours de nuit, en profite pour décimer toute la population. C'est sympathique. C'est sympathique. Donc on va suivre l'histoire de Eben et Stella, qui sont donc les shérifs de la ville, et un petit groupe de survivants qui vont essayer de survivre pendant ces 30 jours de nuit. Donc l'histoire est très très simple, mais assez efficace. Et malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. Genre le principe de base était vraiment super cool. Ah, je vois que James a retrouvé. Oui, j'ai retrouvé mon truc. C'est Bienvenue à Oxford, qui était sorti chez IDW et chez Delcourt en France. Et je crois qu'il y a même un fan film dessus qui est très très cool. Donc allez voir Bienvenue à Oxford. Ok. Bon, du coup, de retour à 30 jours de nuit. Waouh. L'histoire dit comme ça, et franchement, j'avais beaucoup aimé le concept, vraiment beaucoup. Le problème, c'est que dans le film, c'est très très bien exploité. Dans le comics, un peu moins. C'est assez. Attends, une question. Tu as vu le film ou le comics en premier? Alors, la question. J'ai vu le film en premier. Voilà, c'est pour ça. Du coup, c'est un peu la même chose. Pour moi, avec Kick-Ass, par exemple, j'avais vu le film et du coup, quand j'ai vu le comics, je préférais toujours un peu le film. Ouais, mais alors là, le comics, hein, c'est dit par beaucoup de personnes que l'histoire est vraiment beaucoup moins bien exploitée dans le comics que dans le film, bizarrement. Alors, en général, c'est l'inverse. Ouais, en général, c'est l'inverse. Là, non, mais... pas vraiment. En même temps, petit aparté, dans Kick-Ass, c'est John Romita Jr. qui dessine, donc forcément moche. Ouais, mais je trouve que John Romita Jr., son meilleur travail, c'est sûrement sur Kick-Ass. Enfin, pas le reste, parce qu'après, il redescend un peu, mais je trouve que, je sais pas, il allait chercher quelque chose d'un peu nouveau. Bref, ouais, enfin, on revient sur le truc de Ruby. Waouh. Voilà, bref. Du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, bref, l'histoire est beaucoup moins bien exploitée. Bon, c'est très brutal, c'est très, très, sanglant. Très sanglant, très brutal, très. Ouais, bref. C'est vraiment hardcore. Si vous aimez. Enfin, si vous êtes assez sensible, le lisez pas. Et ouais, du coup, ce qui m'amène au point du dessin. Le dessin est plutôt pas mal, il est assez original. C'est un mec qui fait du numérique en fait. Temple Smith, il fait du numérique. Avec un style assez cartoon, du coup c'est un peu spécial et c'est un caractère assez onirique au niveau des couleurs. C'est un peu comme si on est plongé dans un rêve en fait. Il y a des couleurs très très très très sombres en fait, plutôt dans un cauchemar en fait, parce que c'est très lisse, mais en même temps c'est super bruyant en fait. Les dessins sont très fouillis, mais le traitement numérique après est super lisse et les couleurs sont vraiment très cauchemardesque et c'est un peu traumatisant. Là ça passe, mais ça s'adapte bien aux séries d'horreur, quoi. Voilà, ça s'adapte super bien aux séries d'horreur. Après j'ai pas vraiment lu des trucs qui sont pas vraiment d'horreur de lui. ça passerait beaucoup. Je crois moins. qu'il fait que ouais, ce style-là. Ouais, bah ouais, je vois c'est ça. C'est son style particulier. Ouais, mais parce que, bah en même temps, il a raison, hein, parce que ça marche très très très bien. Ouais, les vampires sont vraiment géniaux, mais ouais. Qu'est-ce que ça apporte de plus au genre du vampire ? Qu'est-ce que ça ? Alors, le vampire, il est décrit vraiment comme une bête sauvage dans ce comic. C'est pas le vampire moderne, un peu qui brille au soleil. Qui brille, j'allais dire, et qui brille au soleil exactement. Mais là, le vampire, il est vraiment genre, comme dans Lock and Key, il est vraiment sans scrupules. Enfin, c'est vraiment une bête, c'est un animal qui lâche. Et en mode supernatural un peu. C'est ça, ouais. Et il fait pas genre juste les deux petits piquants dans le truc et il laisse le cadavre, il bouffe la personne, genre vraiment. Le coup, il le mange, littéralement. Donc c'est vraiment très bestial, c'est vraiment super, super. Enfin, vraiment presque vulgaire des fois. Et en tout cas, le dessin s'adapte super bien à ça. Le seul problème, ouais, c'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu sans surprise. Peut-être parce que t'avais vu le film aussi. Ouais, mais alors dans le film, il y a des plot twists, c'est un petit peu des montagnes russes et la fin, voilà, c'est cool. Dans le comic, c'est vraiment le fil conducteur est un peu. Tu sais qui c'est qui a écrit le, c'est pas la même personne qui a écrit le film et le comic. Non, c'est pas la même personne. J'ai pas le nom là des réalisateurs. Ouais, non, j'ai pas le nom. Mais je vais chercher. Ouais, vas-y. c'est un peu monotone, mais en tout cas rien que pour les dessins, je vous le conseille fortement parce que ça change beaucoup des comics que j'ai l'habitude de lire qui sont très avec des couleurs très normales en fait, avec des aplats, etc. Là c'est vraiment vraiment bordélique et c'est génial, voilà. Bah dans le style vampirique aussi, il y a une super série qu'on a parlé il y a 30 secondes. Donc, American Vampire. Ouais, American Vampire, c'est génial. Voilà, avec attends, c'est Scott Snyder, c'est ça ? Oui, c'est Scott Snyder et Raphaël Albuquerque qui dessinent. Et il y a des tie-in avec Stephen King aussi. C'est vraiment une série super cool. Moi, je vous la conseille vraiment beaucoup, beaucoup. On peut faire un petit. On a un peu le temps. Donc, petit laus sur un. T'as lu combien de tomes de American Vampire, toi ? J'en ai lu un. Ouais, j'ai acheté le deuxième. Il est dans ma pile à lire depuis presque un an maintenant. Mais donc, je vais American lire. Vampire, c'est une réécriture du mythe du vampire, mais il y a un côté vampire américain. Donc, vous allez revoir. Ça commence au Far West, et en fait, vous allez suivre l'histoire de l'Amérique, mais vue par un vampire. Ouais. Et, un vampire assez cynique. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un vampire, par exemple, qu'il y a des. Comme c'est un vampire d'un autre continent, il a des nouvelles règles. Et ouais, au lieu d'être le bois ou que ce soit la lumière qui vont lui faire mal, ça va être des trucs plus américains comme par exemple l'or ou je sais plus qu'est-ce qu'il a comme autre faiblesse. Je crois qu'on les découvre au fur et à mesure. Ouais, on découvre au fur et à mesure. En fait, ça se passe dans deux époques différentes. On a son passé et en même temps. Mais en fait, il y a deux vampires. Il y en a un qui est le premier et qui c'est une espèce de bandit complètement. Ouf, qui bute tout le monde. C'est vraiment un super personnage. Et en fait, il vampirise une autre fille qui, elle est un peu plus normale, on va dire. Ouais. Et franchement, moi, je vous conseille vraiment ce. En plus, Albuquerque, c'est super beau, quoi. C'est. Je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un dessin violent, un peu mince, comment c'est un peu crade et tout. Ouais, crade, mais c'est bien fait, quoi. Ouais, il a travaillé sur Batman aussi. Ouais. Il aide beaucoup Capullo aussi avec Scott Snyder, du coup. Oui, bah oui, mais c'est une équipe qui se connaissent bien et qui font des trucs ensemble. Et j'ai retrouvé le réalisateur du film, c'est David Slade, et en fait, il a pas fait grand chose. Si, il a fait. il a fait Twilight chapitre 3. Wow. Et je crois qu'il est pas réalisateur. Si, il est réalisateur de Twilight chapitre 3. Il est tombé bien bas. Hein. Malheureusement pour lui. Passer de 30 jours de nuit à Twilight, c'est un. Il a fait un épisode de Breaking Bad et il a fait 5 épisodes d'Hannibal. Bon, ça va. Bon, il s'est rattrapé avec Breaking Bad, on va dire. Hannibal, c'est cool, hein, tu devrais regarder Hannibal, si tu l'as pas cool. vu. C'est cool, Hannibal. Et on va passer, comme t'es en train de parler, on va passer. Ah, et non, j'avais pas fini pas en fini. Fait. Excuse-moi, je te coupe. Je voulais juste profiter de finir en disant que c'était en 5 tomes qui sont publiés en hardcover aussi, qui sont publiés chez Delcourt. Donc voilà. Ça, mais il y a une suite aussi, non ? Je crois qu'il y a des. Il y a des suites après, oui. Des spin-offs. Il y a des spin-offs, mais la storyline de base, c'est en 5 tomes. Ça suit tout simple, voilà. Y a pas de. Ça s'arrête. En 5 tomes, voilà. Il y a une fin brute. Ça se finit en 5 tomes. Ok, d'accord. Voilà. Tu veux le redire une fois, peut-être. Ça se finira. voilà. Donc, lisez-le, c'est très intéressant. Bah, après, vous attendez pas à une histoire de ouf. Juste, si vous attendez à une histoire de ouf, regardez le film. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, moi, tu m'as un peu hypé. J'ai envie de lire ce comic et de voir ce film. Le film vaut vraiment le détour. Je pense que je regardais le film déjà. Tu viens de dire qu'il fallait pas le faire. Hein. Non, c'est pas grave. Vas-y, passe à ton titre qui finalement n'est pas très horrifique au final. Bah, merci. En fait, il est bien dans le thème d'Halloween parce que ça s'appelle Batman, un long Halloween. Il a pris le truc au pied de la lettre. Eh bah exactement. Bah du coup c'est scénarisé par Jeff Loeb. Donc Jeff Loeb, ouais, bref, c'est un grand scénariste chez les Big Two, c'est-à-dire Marvel et DC. Ouais. Chez DC, il est très connu justement pour son run avec Tim Sale, donc un long Halloween. Tim Sale. Moi je prononce tous les noms de. D'accord. En mode français. Tim Sale. Tim Sale. Tim Sale alors du coup. Alors, bref. Qu'est-ce qu'il a fait, Tinsel ? Non, on parlait de Jeff Loeb, déjà. D'accord. Donc, chez Marvel, il a fait les fameuses séries avec un personnage et plus une Spider-Man couleur. Spider-Man Blue, ouais. Qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi chez Panini Comics en format Icons. Ah, c'est cool. Voilà. Je ne les ai pas lus, à ce qui paraît, c'est vachement bien. Ouais, ça a l'air vachement bien. Bah, moi non plus, je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais bref. et Tim Sale, du coup, qui a travaillé avec lui aussi sur les séries Daredevil, Yellow, Spider-Man Blue. Ouais, c'est la même équipe, ouais, c'est la même équipe créative. Du coup, le contexte un peu dans comment est sorti ce comics, il faut savoir que c'est une sorte de suite non officielle de Batman et Ron. Et Batman et Ron, en gros, c'est les origines, pas les plus modernes, mais les origines les plus connues de Batman, on va dire, écrit par les meilleurs. Grand Frank Miller, qui est un peu raciste, mais le grand Frank Miller quand même. Qui l'a été bon. Là c'est bon. Du bon Frank Miller. C'est allez-y. Du très bon Frank Miller. Batman Year One, je pense que c'est le comics pour avec Court of Owl dont on avait parlé avant. Je pense, c'est les deux comics pour commencer du Batman. C'est vraiment ouais. C'est parfait, et c'est magique. Et un je sais pas après si c'est vraiment le meilleur pour commencer. Est-ce que c'est moi j'ai commencé avec celui-là et je pense que c'était. Pas... Ouais. Et donc du coup c'est une suite un peu non officielle. Ça suit exactement le. Enfin dans Batman Year One on avait un peu ce côté mafieux avec les Falcons, tout ça. Du coup, dans un long Halloween, on retrouve aussi ça. Et c'est aussi le run qui a le plus inspiré Christopher Nolan, le réalisateur de Dark Knight. Dark Knight. Voilà. Et c'est vraiment, on retrouve tout ça. Donc, le pitch est très simple. C'est dans les premières années de Batman, du coup, vu que ça se situe après Batman Year One. Et du coup, il se passe un meurtre à chacune des fêtes, et ça commence du coup par Halloween, et il va y avoir un meurtre au Nouvel An, à Noël, tout ça, et c'est souvent des meurtres de mafieux de la famille Falcon, et du coup Batman va devoir enquêter, mais ce qui va être accompagné de James Gordon. Et il faut savoir que dans Year One, James Gordon, on avait aussi son origine. Et du coup, on revient un peu dessus aussi. Il y a un grand développement de James Gordon. Mais ce qui est aussi hyper intéressant à voir, c'est qu'au tout départ, Batman était aussi accompagné de Harvey Dent, le futur double face. Oui, qui là est gentil. Ouais, voilà. Là, il est gentil, c'est gentil procureur. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on va voir tout le développement d'Harvey Dent jusqu'à qu'il devienne double face. Et c'est là aussi ce qui a inspiré grandement pour The Dark Knight. Et je trouve c'est encore mieux écrit dans le comics parce que c'est un gros comics, faut se dire. Je vous préviens, il coûte 35 € chez Urban Comics. Lisez-le en scan si vous voulez, mais bref. Non, le mec il pousse à la. Bon, bref, et du coup, le développement est très bien fait de Harvey Dent. Et c'est super intéressant de voir ce trio et comment Harvey Dent va passer un peu du côté obscur de la force. Et c'est vraiment un récit d'enquête. C'est un peu ce qui fait la base du Batman moderne, un Batman un peu sombre, torturé un peu, et qui fait des enquêtes justement. Il y a un côté très réaliste en fait. C'est pas le Batman qui va se tabasser contre. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Nolan, tu vois. Ouais. Le Batman réaliste, ouais. Qui ouais. enquête, moi, qui prend le temps. J'aime beaucoup ce Batman là et j'aime beaucoup ce run qui est très cool. Il y a aussi, tu sens l'héritage de Frank Miller aussi ouais, derrière. Ouais, le sent beaucoup. Et aussi, on sent beaucoup l'héritage du Batman des années 90, c'est-à-dire la série Batman des années 90 au niveau du style graphique du Batman. Parce que, on va dire que Tim Sale, et pas Tim Sale. Vraiment un Batman, je trouve qu'il ressemble pas mal à celui de Bruce Timm. Pas au niveau forcément des proportions, mais du costume, tout ça. Mm-hmm. Je trouve qu'il a un côté un peu Bruce Timm. Mais le plus important avec Tim Sale, c'est qu'il a surtout une grande mise en scène. Pour moi, le dessinateur, ça va être un peu le réalisateur d'un film. Il va devoir mettre certaines émotions, tout ça. Et Tim Sale, il sait très bien mettre ça en scène. Par exemple, je me rappelle que Harvey Dent, à certains moments, il a une face cachée dans l'ombre. Et du coup, ça présage sur son futur. Oui. Et il y a une sorte de mise en scène comme ça. Et je trouve que c'est très important dans un comics. Il n'y a pas juste que le style graphique, mais aussi comment tu mets en scène tout ça. Et il joue aussi beaucoup sur les contrastes. Des fois, il y a même des pages juste en noir et blanc. Et avec un côté rouge en mode Sin City. Il y a un héritage vraiment Frank Miller aussi dans ça. Et du coup, pour moi, après, c'est un dessin qui plaît pas à tout le monde. Ouais, je sais, par exemple, on va me reprocher d'en parler encore, mais je sais que Maxime, par exemple, aime pas beaucoup Tim Sale, qu'il a beaucoup de mal avec. C'est sûr, il a un côté. J'aime beaucoup, mais c'est pas un dessin très mainstream. Ouais. Il faut arriver à rentrer dedans. Ouais, et c'est très très beau. Il faut réussir à rentrer dedans. Mais il faut rentrer dedans. Parce que les proportions, elles sont un peu spéciales, on va dire. Puis même, il a un côté très aquarelle. Ouais. Ouais, c'est pas forcément précis des fois. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon. Mais moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très artistique, très. Ouais, c'est plus artistique. Vas-y. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment. Pour moi, c'est le meilleur comics Batman que j'ai lu, vraiment. Ah ouais, c'est celui que t'as préféré. Pour moi, c'est le meilleur. C'est lui qui m'a fait vraiment rentrer dans l'univers de Batman t'as et qui m'a fait le plus jamais le quitter. Et justement, je voulais en parler. Mmh. Pour ceux qui ont du mal avec le dessin de Tim Sale, justement, je vous conseille Silence parce que c'est aussi un scénario de Jeff Webb qui prend un peu moins le temps de développer les personnages, tout ça, qui est plus axé sur le divertissement, mais qui est très intéressant aussi pour commencer. On sent vraiment l'héritage des deux. Après, bien sûr, si vous aimez Un Long Halloween, lisez la suite à Mère Victoire, qui est géniale aussi. Puis c'est ce qui m'a fait aussi adorer le personnage d'Harvey Dent et de Double Face, parce que vraiment développement est super bien fait dedans. Donc pour moi, c'est le comics en plus qui a inspiré Christopher Nolan, et Christopher Nolan, c'est pour moi celui qui a fait les meilleurs Batman. En plus, avec ce comics, vous retrouvez des petits historiques de partout, parce que en ce moment, je suis en train de jouer à Arkham Asylum, et je crois que c'est plus dans Arkham City où on a des petits historiques avec notamment le fameux Mr. Calendar. Oui, qui revient dans. J'en ai pas trop parlé, ouais. On en parlera après. Enfin, on en parlera pas. On vous laisse découvrir. On vous laisse découvrir le truc. Mais en tout cas. En tout cas, c'est vraiment un titre qu'on. Moi, je vous conseille aussi. Ruby, est-ce que ça t'a hypé? Est-ce que tu l'as lu et est-ce que ça t'a hypé? Je ne l'ai pas lu, non, parce que. Non, je ne l'ai pas lis-le. Lu. Ouais, oui, est-ce que ça t'a donné envie? C'était plutôt l'aspect graphique qui m'a donné envie, parce que ça avait l'air plutôt cool. J'aime bien quand c'est assez aquarelle avec des pages graphiques en noir et blanc et du rouge. Enfin, c'est l'héritage de Frank Miller que je recherche. Voilà. Oh, Frank Miller, c'est pas toujours bien quand même. Ça dépend. Sur Sin City. Holy Terror, nous pensons à toi. Et ben, on va passer à la deuxième pause musicale. Et c'est Thomas qui l'a choisi. Il l'a bien choisi parce que j'aime beaucoup ce groupe. Je voulais absolument passer du Stupeflip. Et c'est Stupeflip, Headshot Killer. Un super bon son qui passe pas souvent à la radio. Donc autant en profiter. S'adresse à tous les tristes cires, accros du net, lâches et racistes, planqués derrière leur ordi. Ils sont comme des serpents, ils pissent sur mes sentiments. Incroyable con, et dans mon cou, ils plantent leurs dents. De quoi devenir paranoïde. Pauvres nazes en la haine, font chier bourrés sous stéroïdes, arrogants. Ils se la jouent testostérone, va falloir lâcher l'affaire. Le membre caché du. Ils sont jaloux. Ils observent leurs voisins, ont pas envie de le voir heureux. Cette seule vision les rend zinzin, ça les renvoie à leur triste réalité. Vie de merde, taf de merde, du cervelas dans le cervelet. Ils ont du flambi dans le slop, bande de salopes. Faut qu'ils restent tranquilles ou je les découpe comme une escalope. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fond. Ça t'handicape quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui pique comme un aspic. Stupéflip, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fond. Ça t'handicape quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Haters, un truc pataphysique. pèse lourd comme un sac à dos. J'suis de l'époque du Wu, Ice Cube, pas des rigolos. J'digère le bon son, Big Duke, pas Calo Zero. Parasé, gros oro, muchacho, poncho. Cool avec l'ego, sans gros mots, besame mucho. Ponche coco, pulopo, style Celentano. J'peux être un télo, même si plat est mon encéphalo. Pas d'allo maman bobo, pas de problème d'ego, sadomodo et réglo. Me sens lourd, mentalo, tueur qui coule, slow tempo. Pas d'allume même s'il fait chaud, toujours place en pédalo. Stupéfique, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. J'attends des caps quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pas ta physique qui pique comme un aspic. Stupéfique, c'est pas n'importe quoi. Ça fout le feu, fait le fou. J'attends des caps quand tu l'as pas. C'est une construction mathématique. Un truc pas ta physique qui pique comme un aspic. Je te rejoins du Laurent Melun au moins et le Tchernitz. On y m'a aidé, patron de la menuiserie, le mince livre, ça s'en rapat dans l'hiver. De l'eau ronce, on disait qu'on sera verte dans le carter à pas court. Bien, c'était Etchoskila de Stupéflip. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier. Pourquoi je le dis avec un accent, je ne sais pas. C'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir les... Comics. Ah, c'est bien. Oh. C'est toujours le même qui suit à chaque fois. Donc voilà, on vient vous de parler de trois titres. Donc je vous rappelle les titres. Si vous n'avez pas suivi, c'était 30 jours de nuit pour Ruby, qu'elle vous le conseille fortement. Oui. Après, c'est toi, c'était Batman, Halloween, que moi aussi je vous conseille parce que c'est vraiment cool. Et moi, je vous ai parlé de Lock and Key. Et on va finir par nos attentes et nos coups de cœur pour le mois de. Je ne sais même plus de quel mois on est. On est en octobre, je crois encore. Oui. Mais non, on n'est plus en octobre. À l'heure où passe l'émission. Parce qu'on vous le rappelle, on a enregistré jeudi. Jeudi, je regarde la date et on est le 27. Donc non, on a enregistré jeudi et ça devrait passer normalement mardi 31. Premier. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, tes attentes, Thomas. Oui, parce que si je le dis pas. Oui, bah du coup. Qui n'était pas très préparé. Soyons honnêtes. Voilà. Non, mais tout le reste de cette émission. C'est sûr. Mais bon, moi, mes attentes, c'est les Animaux Fantastiques qui sortent bientôt au cinéma. Bah du coup, vu que c'est pas préparé, je n'ai pas la date. Je cherche peut-être pendant que tu parles. Il sort dans pas longtemps. En tout cas, je me suis hypé il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai. Je me suis hypé sur Harry Potter. Thomas est rentré dans le fandom d'Harry Potter en 2016. C'est bien, Thomas. T'as lu les livres, moi? Attends, je suis en train de lire les livres alors que. Attention, à la fin de Dumbledore. Non. Tu connais même pas l'histoire? Si, bien sûr que si. Mais. En tout cas, moi qui lis que des comics, je commençais à lire des romans maintenant, c'est incroyable. Mais t'es en sort le 17 novembre, donc t'as le temps encore de voilà, te hyper. 17 novembre. Et bien, en tout cas, voilà, vu que je me suis grave hypé dernièrement sur Harry Potter, mais c'est cool, j'ai regardé tous les films. Quoi ? C'est cool Harry Potter. Bah, je kiffe trop en ce moment, je suis à donf dedans. Je vais encore me rôter mal les films alors que je les ai regardés il y a même pas une semaine. Franchement, j'aime beaucoup. Les derniers surtout, ils sont bons. Ouais. Et celui de Quaron aussi, il est génial. Le 4. Moi j'ai pas de préférence pour l'instant, je pense qu'il faut que je le regarde un peu plus. Mais voilà, je suis hyper en retard pour m'hyper dessus, mais sur Harry Potter. Il veut pas. Pour les Animaux Fantastiques, le trailer me donne vraiment envie, j'ai vraiment envie de le voir. Ce qui est trop bien, c'est Ilvermorny, c'est la nouvelle, le nouveau Poudlard aux États-Unis avec les nouvelles maisons du coup. Par contre, le casting par Colin Farrell, Eddie Redmayne là. J'aime pas du tout. Ouais, moi non plus. Je l'avais vu dans Jupiter Ascending où il faisait une espèce de mec trop chelou. Donc ouais. L'acteur principal. Ouais. Et oui, il est trop chelou. Je l'ai vu dans un film qui s'appelle Her. Et, genre, il joue une sorte de rôle de pédophile. Et maintenant, je le vois dans ce rôle-là. Je fais bon, pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, moi aussi, ça me hype un peu. Tu es hypé. Tu as l'air d'être dans le fandom complètement de Harry Potter. Alors, je suis pas complètement dans le fandom d'Harry Potter, mais j'aime beaucoup la nouvelle maison. Donc, Ilvermorny, comme je viens de le dire, parce que les maisons sont. Enfin, les nouvelles maisons là sont ouf. D'accord. Et elles prennent en compte des critères beaucoup plus intéressantes que Poudlard. Ok. Wow. Et toi, qu'est-ce que tu voulais parler? Qu'est-ce que tu te hype? Alors, qu'est-ce qui me hype? Alors, c'est pas du tout sur les comics, hein, mais c'est pas grave, les Animaux Fantastiques non plus. C'est le revival de Gilmore Girls parce que le trailer est sorti. Donc, je croyais que t'aimais pas les revivals. Ah ouais, tu nous as dit. Oui, certes. Tu nous as dit mardi dernier que les revivals c'était nul. Ouais, c'est un peu. Mais ça va, parce que Gilmore Girls c'est pas un truc. Enfin, c'est juste une histoire de. les quatre personnes, tu vois. Enfin, c'est pas une énorme. Et t'as craché sur la meuf qui est dans les la meuf qui est dans les SOS fantômes. Comment elle s'appelle, putain, merde. Laquelle? Celle qui est un peu ronde. Oh. Elle est dans Gilmore Girls. Oui, c'est Melissa McCarthy. Oui, voilà. Ben, je l'aime pas, hein, dans Gilmore Girls. Je l'aime pas du tout, j'aime pas Suki. Hein. Ça, c'est dit. Ça, c'est voilà. Voilà. Ben, du coup, je suis très hypée, le trailer est sorti, je l'ai regardé, ça m'a un peu spoilé, mais c'est pas grave. Et ça sort en mi-novembre, je crois. Ouais, c'est sur ça. Netflix. Sur Netflix. Et moi, je voulais vous parler. De quoi je voulais parler? J'ai oublié. Eh ben, cool. Merde, putain, j'ai oublié. Alors, James? Je sais plus du tout. J'ai un gros trou noir là. Bon bah on va finir sur ça parce que je sais pas du tout ce que je voulais vous parler. Ah oui, si. C'est ouais, la série This Is Us. Donc c'est sur une famille. Je vous laisse regarder. C'est un espèce de drame. Il y a que 4 épisodes. Je suis un mec et pourtant j'ai pleuré à chaque épisode comme une merde. C'est vraiment. Un mec que t'as pas le droit de pleurer. C'est vraiment très touchant. C'est des histoires super touchantes. Ça fait plaisir de voir des histoires comme ça aux États-Unis. Moi je vous conseille vraiment de regarder cette série. Elle est géniale. Et sur ça on va conclure. Merci à Ruby et merci à Thomas d'être là, d'être venu, c'est cool. C'était très bien. Retrouvez-nous sur la page YouTube Le Geek Chic et retrouvez James sur la page De la Michael du Geek et de Comics Discovery. Je tiens à faire un petit message. Vous voyez, on est en petit comité là. On a vraiment besoin d'avoir un peu de sang frais pour pouvoir renouveler les gens dans l'émission. Enfin, renouveler. Pour avoir tout le temps assez de personnes. Donc, si vous lisez des comics, vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à comicsdiscovery@gmail.com, excusez-moi, ou même sur la page Facebook, envoyez-moi un MP. Venez faire de la radio avec nous, c'est cool. Et venez parler de comics, parce que les comics, c'est cool. Et surtout si vous êtes une fille, parce que là, on a Ruby, mais il n'y a vraiment pas assez de filles dans l'émission de ce média. Et qui parle de comics. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, moi, je vous remercie tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bye bye. On se laisse avec du Black Sabbath. Wow. Ouais.